Bon, numéro 127, la proximité astrale. La vie, je vous l'ai souvent dit, c'est l'esprit. Et l'esprit qui s'incarne va se magasiner une âme, va se magasiner un ego. Et puis, à partir du fait que c'est de l'âme, on parle que c'est une mémoire qui a été cherchée dans l'astral. Donc, vous êtes une suite d'une cassette vidéo. La vie que vous vivez, c'est une cassette vidéo. Et le corps que vous avez, c'est la TV qui va faire passer la cassette vidéo dedans. Je vous donne une image pour que vous compreniez que votre vie est marquée d'avance parce que c'est une cassette, que la cassette, c'est une expérience de vie qui est déjà préprogrammée, et puis que la TV est simplement la façon d'orchestrer l'image, parce qu'il y a toutes sortes de TV, il y a des TV, des smart TV, des ça, et puis il y a des grandeurs de TV, fait que vous avez la grandeur de c'est une 60 pouces, c'est quelqu'un, un professionnel, mettons, dans la vie, puis une TV de 15 pouces ou un écran de iPhone, ben c'est une plus petite vie, tu sais. Conséquemment, si on regarde le fait qu'une personne a un rapport avec sa vie qui est un rapport psychologique, donc il évalue la cassette vidéo, il évalue la TV dans laquelle se passe la cassette vidéo, et puis on a à ce moment-là l'occasion de voir des ondes d'influence qui sont souvent liées à des influences astrales. Bon, les gens sont donc à la naissance, des petits esprits incarnés dans une enveloppe très vulnérable, où il est donné l'occasion à l'astral de se manifester. Et pour moi, l'astral, c'est toute une influence basée sur la mémoire. En d'autres termes, les vies que l'individu va vivre vont être enregistrées dans une sorte de gros ordinateur. Et puis, cet gros ordinateur va faire une influence sur la race, puis le cumulatif de toutes les expériences humaines, donc de tout ce que l'esprit fait avec la cassette vidéo, va automatiquement nourrir l'astral. Donc l'astral évolue avec l'esprit, mais ne peut pas évoluer par lui-même. Ça, c'est important, ce point-là. Ce qui fait évoluer l'âme, c'est l'esprit, mais l'âme ne peut pas évoluer par lui-même. Si vous demandez, moi j'ai fait des exercices dans ma vie avec des gens, et puis jamais l'esprit était capable de répondre à son questionnement. Donc, si tu faisais parler une entité, ou si tu faisais parler quelque chose qui avait déjà été existant, c'était tout le temps quelque chose qui était en questionnement, et que seul quelqu'un qui avait de l'esprit pouvait répondre. Bon, on arrive au cœur de la... Là, je sais pourquoi je parle. Je viens de le savoir. C'est que un être humain est un véhicule d'une âme qui a des contrats avec d'autres âmes. Donc, il y a souvent la charge de s'occuper de plusieurs états de développement, de plusieurs états d'âme pour arriver à de la prise de conscience qui va servir à sa personne et à d'autres qui sont morts, qui sont collés à sa personne. OK? Bon, si je prends exemple, c'est Alexine, sa mère est morte. Sa mère, aujourd'hui, évolue à travers l'expérience d'Alexine. OK? C'est orbital. Quand elle pense à elle, elle fait simplement parler à quelque chose qui est à proximité d'elle, mais qui est sur un autre plan. C'est des plans parallèles. Quand on écoute la radio, on n'est pas à la radio. On entend à la radio des choses qui se passent ailleurs. Vous me suivez? Donc, c'est comme si moi, j'entends un gars parler 98,5, j'ai pas l'arcan. J'ai pas l'arcan qui parle, que j'entends parler. On n'est pas dans le même espace physique. Mais on a un rapport, en tout cas moi, d'écoute. C'est comme si moi, j'étais l'entité de Paul Arcand qui parle. Je suis un élément à l'écoute, et puis je m'informe, puis je m'éduque même à certains niveaux de ce qui se passe avec lui qui interview quelqu'un. OK? Fait que donc, je serais comme une sorte de proximité astrale pour lui. Il est pas conscient que j'existe, mais l'écoute que je fais fait qu'il y a une interaction. Vous me suivez jusque-là? Non? Oui? Ben là, c'est parce qu'il faut que je continue. Donc, ce qui nous influence et ce qui influence les entités dans l'astral, c'est le rayonnement qu'on a à travers une mémoire, mais par rapport à l'esprit. Donc, l'esprit fait vibrer, fait mettre les gens en action dans un mouvement, Et ça prend de la forme à travers la mémoire. Tu sais, je bâtis une maison. C'est difficile pour moi de bâtir une maison avec des perceptions de 2000 ans. J'ai pas d'idée de l'architecture dans 2000 ans des maisons. Peut-être qu'on n'a même pas encore accès aux matériaux qu'il y aura à ce moment-là. OK? Je suis obligé de composer la création d'une demeure, d'une maison, avec des choses qui sont acceptées par la ville. Il y a des villes qui vont accepter des roulottes, il y en a d'autres que non. Il y en a qui acceptent des nouveaux, les gens vivent dans des containers, ils achètent un container de 40 pieds, puis ils le décorent. En Europe, j'ai vu des livres qui avaient été faits là-dessus. Il y a des gens qui font des centres d'achat avec des containers. C'est hallucinant, là, des gros bâtiments là, de 3, 4, 5 étages, là, tout avec des containers. Fait que tu vois que jamais on aurait pensé à ça il y a 20 ans, et là, ça existe. Donc, il y a des gens qui ont recyclé la mémoire, ils ont eu assez d'esprit que les gens appellent avoir de la créativité pour prendre de la mémoire et rendre fonctionnel et utilitaire dans une époque donnée quelque chose. Mais ce qui est une proximité astrale, c'est le qu'est-ce qui existait. Mêlé à de l'esprit, cette fameuse proximité astrale-là crée et engendre une créativité pour améliorer ce que la mémoire a fait, mais qui est un statu quo. Donc, de l'astral, c'est statique, puis l'esprit rend dynamique la structure astrale. Donc, une proximité astrale, ça peut être perçu comme une charge, puis ça peut être perçu comme un contrat à développement. Il y a des gens qui vont dire, je sais pas, je me sens bizarre aujourd'hui, on dirait que j'ai une grosse charge sur les épaules, ils vont dire que je traîne quelqu'un, pourtant je suis seul dans la pièce. Bien, c'est parce que la proximité astrale a besoin d'être nourri. Tu sais, c'est comme un chat qui ne te lâche pas d'une semelle parce qu'il va avoir sa canne. Bien, c'est comme si le chat puis l'entité, ça, il y a un point de ressemblance, c'est que c'est toi qui es nourri, c'est pas eux autres qui sont capables de se nourrir. Vous me suivez? Considérant ce point-là, il peut y avoir beaucoup de monde dans la pièce ici, pourtant on est juste une quinzaine. Mais il peut y avoir beaucoup de choses qui écoutent ce qui se passe, ce qui se parle, parce qu'ils apprennent. Vous me suivez? Donc, est-ce que l'astral est en conflit avec est-ce que l'astral est en conflit avec l'esprit? C'est oui puis non. C'est sûr que ultimement c'est l'esprit qui donne le ton, mais c'est pas l'avantage de l'esprit de donner un ton qui est, on va dire entre guillemets, trop créatif pour la mémoire parce qu'elle va être rejetée. C'est ce que je vis, moi, de ce temps-là. Mon mental est trop performant, créatif, pour être accepté tel que je suis dans la société. La société m'impose encore des lignes de conduite que même si moi, je les rejette au niveau psychique, parce que il y a de l'aberrance, c'est aberrant, il reste que je suis obligé quand même de convenir avec la structure sociale puis de travailler à avoir des ressources comme la société exige pour pouvoir faire de l'échange avec les gens. Vous me suivez? Puis, il y a beaucoup de gens qui vont dire, « Ben, moi, je comprends pas ce que tu dis, j'ai pas le goût de payer pour ça. » Mais en ne payant pas pour ça, moi, je suis plus capable d'être adapté socialement. Puis, en n'étant pas compris, ça veut pas dire que ce que je dis, c'est pas vrai, mais ça veut dire que l'autre l'absorbe pas. Fait, vous comprenez que l'esprit qui n'a pas de temps peut jouer avec le temps parce que c'est pas important pour elle que ça prenne du temps. Donc, si ça prend du temps, dans le fond, le problème, il vient de la proximité astrale. Donc, il vient des entités qui sont collées dans la mémoire puis qui sont pas capables d'apprendre plus vite que ce qu'il faut de l'esprit parce que la mémoire, c'est une résistance. C'est juste l'âme qui a du temps. L'esprit n'a pas de temps. L'esprit, c'est juste de l'espace. Ça vit dans de l'espace. Quand on dit que quelqu'un est intelligent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'espace pour pouvoir exprimer ou faire évoluer sa créativité. Vous me suivez? Tandis que dans le temps, on va t'emprisonner dans le temps pour faire ta marque. Essayez de passer une vie tu vois, sans réputation. Il vous faut une réputation. Ou il faut les ressources de quelqu'un qui a une réputation. Tu sais, moi, j'ai passé par la réputation de Bernard pour faire le travail que je fais. Fait que dans un sens, je poursuis son travail, mais je ne crée pas comme lui l'a créé. Puis encore, il y a eu une religion en arrière de lui. Il a fonctionné un peu comme un preacher, sans le vouloir, c'est sûr, parce qu'il était conscient de tout le conséquentiel des religions. Mais il a quand même passé par la spiritualité des gens qui ont dû passer par la croyance pour pouvoir être traité avec son discours. Suivez-vous? Quelqu'un qui ne croyait pas à Bernard, il ne restait pas dans la salle, là. Il fallait quand même qu'il y ait une base de croyance. Puis c'est pour ça que les jeunes d'aujourd'hui ne seraient pas capables de le recevoir comme les gens de notre génération avec lui. Parce que les jeunes aujourd'hui diraient, ben bon, ben, fais donc quelque chose avec ta conscience. Fais-nous donc, je ne sais pas, apparaître de quoi, ou crée donc un projet dans lequel on va participer. C'est ça les jeunes aujourd'hui. Fait que ça, si tu n'es pas capable de faire ça, parce que lui, tu n'es pas capable de faire ça, bien évident que ça ne passait pas. Ou ça n'aurait pas passé. Mais comme on était du monde qui était habitué à s'asseoir le dimanche puis écouter un preacher, bien, il passait bien parce qu'on était déjà habitué par mémoire à un comportement comme celui-là. Vous me suivez? Fait que là, après dire, ouais, moi, Moutu, la façon qu'il parlait, là, ça, c'est parce que tu n'étais pas dans le game. Là. À ce moment-là, tu ne faisais pas partie du lot. Mais il reste quand même que la proximité astrale, que lui est obligé de composer, était très dense. Travailler de la grosse mémoire lourde. Fait qu'aller fracturer ça pour pouvoir rendre ça intelligent, donc avoir de l'espace dedans. Fallait un travail d'équipe. Il y avait moi qui étais là, puis il y avait une couple d'autres qui s'occupaient de l'aspect matériel aussi. Mais il fallait deux mentales abstraits. Un qui dansait, relançait l'autre, parce que quand t'es bien intelligent, t'as besoin d'une personne qui comprend pour que les autres disent « Ah ouais, oui, ça a du sens, ça. Oui, lui, quand tu l'écoutes, il parle, puis l'autre, il comprend. » Ah, que si je ne veux pas passer pour un épée, faut que tu dis moi aussi, je comprends. Vous me suivez? J'étais essentiel dans la salle pour montrer que je comprenais tout ce qu'il disait, peu importe tout ce qu'il allait, et puis que j'étais capable de continuer à vivre, puis de ne pas être déstabilisé par rapport au fait qu'il dit, ah, écoute, je fais ce que Bernard a dit. Fait que là, je devenais un témoin vivant. Fait que là, les gens disaient, bon, ben, si Ménard le fait, on va essayer d'être mieux que Ménard, puis tu sais, il y a une compétition entre les animaux, hein. Puis comme j'étais frémé pour la compétition, ben, la vie était belle. Fait que la proximité astrale ne pouvait pas l'atteindre trop pour l'éteindre. Si t'es trop atteint, tu t'éteins. C'est pas compliqué, hein? Fait que lui meurt. 15 ans plus tard, j'étais encore là. Je dis, ah, Chris, il était fort, Bernard, hein? Parce qu'il y en a un qui comprend puis qui continue. Ah, il était fort, Bernard. Il y en a d'autres qui en parlent sur Facebook, même s'il parle tout croche, il parle encore de lui. Il était fort, Bernard. Glenn commence à mettre, ah, c'est moi qui l'ai mis au monde. Ah, il était fort, Bernard. Parce que Glenn ne dirait pas ça de moi. J'ai mis Ménard au monde. Comprenez-vous? Parce que moi, j'étais un os dans son steak, là. Fait que, l'influence astrale, c'est toujours subjugué par l'esprit. Dans le sens que c'est l'esprit qui guide la forme dans un processus qui peut être éternel, très long, très, très long, au-delà du corps, au-delà de la forme, au-delà de la cassette vidéo, au-delà de ce que votre âme est capable de faire dans une vie, elle peut vous emmener dans une autre cassette vidéo. Parce que l'esprit, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de forme, mais ça n'a pas de fond non plus. Donc, proximité astrale inévitable. Tu viens au monde, c'est sûr que tu vas avoir un paquet de petites bébites autour de toi qui va vouloir se nourrir de ce que tu es. C'est comme c'est garanti pour un chevreuil d'avoir des mouches dans le bois. Hein? C'est clair, ça. Des fois, tu vois des films, là, tu vois les animaux, là, puis ils ont de la bestiole sur le corps, c'est des belles, ils sont toujours là en train de se brasser, là, tu les quittes. Bon, ben, la proximité astrale, c'est comme quelque chose, comme exemple, un requin, t'as des rémoras, là, qui se collent en-dessus du requin, puis ils se nourrissent de tous les restants que le requin laisse quand il va chasser. Bon, ben, l'astral, c'est ça. C'est quelque chose qui se sert de votre incompréhension, de votre souffrance, de bien des difficultés. On souffre moins quand on est proche de l'esprit, mais on souffre beaucoup quand on s'éloigne de l'esprit. Donc, dans un sens, le jeu des forces, c'est de vous emmener à souffrir de quelque chose en laissant l'astral orbiter fortement autour de vous autres, qui vous place dans l'amour, les émotions, puis tout ce qui est potentiellement souffrant à cause de la polarité. Et puis là, ben, ils vont commencer à intervenir là-dedans pour vous faire trouver des solutions. Vous reconnaissez l'esprit dans les solutions. J'arrêtais pas de taper sa noix à Claire que vous connaissez en lui disant, parle-moi pas de problème. Essaye, quand tu me téléphones, de me parler de solutions. Je sais tes problèmes. Que tu me les répètes, là, je veux pas en faire une transe, là, puis je veux pas en faire un mantra, c'est tes problèmes. Je veux que tu sois capable de trouver des solutions. Si moi, je te trouve les solutions, tu seras jamais capable de trouver des solutions, parce que tu vas dire, Daniel, Puis c'est moi qui vais devenir ton double, c'est pas normal, ça. Fait il faut que tu trouves des solutions. Puis je dis, parle-moi dans le sens qu'on va chercher une solution. Puis, à un moment donné, il sortit son pamphlet que j'y avais fait en 2001. C'est quand même 14 ans. Puis la solution que j'y avais trouvée la semaine passée, c'était marqué dans son pamphlet 2001, du coaching. J'ai dit, pense coaching, pense pas problème. Dis-moi pas que tu manques d'argent, puis c'est ça, là, parce que c'est pas en parlant que tu vas le régler. Dis-moi qu'est-ce que tu peux faire pour régler ça. Puis j'ai dit, tu as regardé pour le coaching? Ah, tu m'en avais déjà parlé, puis elle a sorti son pamphlet. Ben, j'ai dit, Chris, mets ce pamphlet-là en mouvement. 4 coachings, 400 piastres chaque, 1600 piastres. Bang, bang, bang, bang, bang. Et voilà. Là, à un moment donné, elle dit, j'ai un problème avec la banque. J'ai dit, t'as-tu un problème avec la banque? C'est un problème avec ce que la banque doit payer à quelqu'un. Ben, j'ai dit, c'est mon loyer. Ben, j'ai dit, c'est comment ça s'appelle, métropolitain, là, ton affaire? Ouais, les structures métropolitaines. J'ai dit, pourquoi t'appelles la banque? C'est pas eux autres qui peuvent régler ton problème. Ces structures métropolitaines. J'ai dit, je sais pas, moi, j'ai un feeling qu'ils vont, ils vont me donner 4-5 jours à téléphone. Ben, oui, madame, pas de problème, vous pouvez payer ça la semaine prochaine. Oh! J'ai dit, oui, t'as plus de problème avec la banque. Elle a déjà pas pensé. J'ai dit, sais-tu pourquoi tu n'y as pas pensé? C'est parce que c'est ton loyer, c'est pas le mien. Mm-hmm. Tu t'occupes, t'es collé avec le « je suis pas capable ». Tandis que moi, c'est pas, je suis pas intéressé au pas capable, je suis intéressé à la solution. La solution, c'est ça. Je te dis la solution, puis elle, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle fait tout de suite. Elle attend pas, elle pense pas, là. Elle essaie pas de savoir si j'ai raison. Pouf, elle fait, bang, elle règle son problème. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'astral, c'est sûr que ça va être votre source de problème. Mais si vous êtes capable de référer à l'esprit, c'est l'esprit qui a autorité sur l'astral. Conséquemment, ils peuvent tasser n'importe quoi comme problème, eux autres. Donc, une évolution entre les gens, c'est une évolution qui est basée sur de l'esprit, mais tu n'évolueras jamais dans l'âme parce que tu vas traiter avec de la mémoire. Fait que si tu as la mémoire de quelqu'un, puis tu pas, la personne ne manifeste rien pour pouvoir te changer ta perception mémorielle, ben ça va être le statu quo tout le temps. Tu vas toujours dire, ah ben elle est elle-même. Puis, comme la personne fait rien pour qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était il y a 3 semaines, 1 mois, 1 an, 10 ans, tu vas fixer ta perception de la personne, puis tu vas dire, oh, il n'y a rien à faire avec, elle est de même. Puis ça, là, quand une personne vous colle une étiquette de « vous êtes de même », elle perd tout votre futur, puis il y a disconnexion entre les gens. Donc, dans la société, l'importance de se faire une réputation, c'est appuyer sur le fait que les gens vont te fixer dans une image qu'ils ont de ta personne. Fait que tu leur présentes une image d'efficacité, d'utilité, puis de satisfaction dans leur vie, puis ça va primer sur le « il est pas fin, il est pas ci, il est pas ça ». Par contre, si tu crées trop d'impressions qui est basée sur une insatisfaction, ben, tu vas te faire coller l'étiquette de ça. Parce que tu es dans des rapports avec des gens qui sont pas satisfaits, mais qui donnent priorité à la mémoire. Tu vois, la personne qui, on va dire, entre guillemets, châtier d'un groupe, elle a tout avantage, très rapidement, à faire un changement sur son image pour pouvoir se réadapter à qu'est-ce que les gens, peuvent faire pour briser la mémoire qu'elle a et développer une autre lecture. Puis la personne, il faut qu'elle soit intéressée à ce que l'autre lit dans la vie pour savoir comment s'adapter pour être récupéré, donc éliminer le rejet. Mais en bas d'une place, genre Radio-Canada ou n'importe quoi, faut pas que j'arrive à bien de même. C'est clair comme ça. Avec vous autres, parce que je suis tout le temps, je demande aux gens de s'inscrire pour quasiment savoir comment faut que je m'habille. Mais si j'avais trop de gens, là, mettons la moitié de la salle qui serait des nouveaux, je changerais mon habillement en cravate, puis l'habit, puis tout le kit. Comprenez? Pourquoi? Parce que je voudrais qu'il y ait une image de forme qui corresponde avec la texture du langage, avec la texture du discours. pour que là, à ce moment-là, il y a une sorte de... Il faut pas qu'il y ait trop de contraste dans leur esprit, parce que je sais que je traite avec de la mémoire, puis que même si je suis bien créatif, les gens ramassent la créativité quand même avec leur mémoire. Vous me suivez? La rébellion, c'est pas mon avantage. D'exprimer une autonomie, oui, mais d'exprimer une rébellion, non. Parce que quelqu'un de rebelle, c'est un être qui est dangereux. La personne te lit pas dans qu'est-ce que tu fais à l'extérieur, elle te lit dans le fait de qu'est-ce que tu peux être avec la personne. J'ai perdu beaucoup de gens quand j'ai commencé le tir en 2010. Ah, mais non, il est violent. Il a de l'air de violent, il parle violemment, il est autoritaire, puis il a des guns, là. Qu'est-ce qui est dangereux? J'ai perdu bien du monde à cause de ça. Plutôt que de venir voir qu'est-ce que j'avais à dire, je me suis fait barrer. Au moins 100 personnes. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive avec un paquet de fleurs? Ça va pas avec mon style. Ça va pas avec la mémoire que les gens ont de moi. Je suis déjà tagué. Comprenez-tu? Fait que ce que je présente, c'est que, ouais, maintenant, c'est du sport extrême. Tu sais, engagez-vous dans les forces, ben ça fit bien avec moi. C'est comme, ouais, ça a de l'allure. Du bombardier, du, tu sais, ta-ta-ta-ta. Tu sais, les forces canadiennes. Ça va bien. Dans la mesure que je suis capable de jouer avec l'impression, que je suis capable de jouer avec la mémoire que les gens ont, surtout que là, avec les comment ça s'appelle? Les États islamiques, là, bon, ben, ça rentre un petit peu comme c'est rentré au Canada, ça, c'est à mon avantage. Faut se défendre, faut des guns. J'en connais un qui peut me le faire tirer. Là, je suis mieux, là. Tu sais? Et que ça rend ça utile. Ça rend ça, genre, ben, sais-tu que si on sait pas se défendre, on est dans la merde d'ici un an ou deux. Parce que les gens vont dire, ça va prendre un an, tu sais, avant que je sois capable de me faire à l'idée d'avoir un gun dans les mains. Là, j'ai un avantage, là. Parce que c'est l'effet de survie, là, qui rentre en ligne de compte. Puis en plus, qu'est-ce qu'il y a à dire? Tant qu'à les tirer, on va voir qu'est-ce qu'il y a à dire, tu sais. Puis là, il part un rebuild là-dessus. Ben, il faut que je manage ça, là. Tu sais, j'ai comme, moi, je m'occupe pas de ce que les autres pensent de moi. Je m'occupe de ce que je peux faire penser aux autres. Pas pareil. J'avais ça, ce pattern-là, je l'avais à 19 ans. À 19 ans, là, moi, j'ai dit, c'était ma phrase clé, ça. Je rentrais dans une maison, puis c'était pas qu'est-ce que les gens pensent de moi, c'était qu'est-ce que je faut que je fasse penser aux gens. C'était ça. Parce qu'en marketing, j'étudiais en marketing, c'était toujours d'avoir une influence sur la population. Fait que c'était de savoir qu'est-ce que tu avais à faire penser aux autres. Si vous avez une influence sur votre personne, c'est parce qu'il y a une ouverture de votre part, intuitif. L'influence se fait sur votre personne par une base intuitive. OK? La plupart des gens achètent beaucoup d'assurance, achètent beaucoup de maquillage. Ça, c'est mes études de marketing. Achètent beaucoup de nourriture quand c'est stressant pour l'hiver, ces choses-là. Les gens sont plus intérieurs, donc sont plus défensifs. Situation de crise, situation de défense. Tu arrives avec des solutions. Dans la mémoire de la personne, solution égale soulagement. Solution égale soulagement. Tu deviens un élément de solution dans la vie des gens, tu deviens pas un problème. Tu règles des problèmes. T'es perçu comme médecin. Beaucoup de gens m'ont dit, t'es un médecin de l'âme. Beaucoup de gens, beaucoup. Je te parle de milliers de gens. Donc, je souffre, je ne comprends pas, je veux comprendre, j'ai besoin d'être soulagé, j'arrive, je donne le médicament, qui est une phrase, une ligne de pensée, une ligne de conduite, la personne l'applique, elle prend ses pilules, elle prend sa pilule, elle vit bien. Je travaille. Donc, faut que je démontre que je solutionne. Faites ça dans votre vie, soyez une solution pour les autres, ne soyez pas un problème pour les gens. Et vous allez voir, vous allez toujours avoir du monde autour de vous autres, si vous voulez, évidemment. Et vous allez toujours avoir du travail avec les autres parce que les gens vont vouloir avoir quelqu'un qui a des solutions dans leur vie. Comprenez? Si vous êtes une solution, peu importe la forme, puis que vous y trouvez votre avantage, ça devient votre travail. Donc, les gens vont dire, c'est quoi mon intérêt vital? C'est quoi ma fonction dans la vie? Mais c'est pas compliqué, c'est là où tu règles des problèmes. Là où tu règles des problèmes, peu importe si c'est une compagnie ou des individus, c'est ça ton travail, c'est ça ta fonction dans la vie. Peu importe ce que tu fais, c'est une fonction de solution qui fait le sens de ta vie. Le sens de la vie, l'utilité dans la vie, est en fonction des ressources et des capacités que tu es en mesure d'avoir ou de générer. Pas pire quand même pour un gars qui ne savait pas quoi parler. Hein? Donc, si moi je vous dis, je ne sais pas ce que je vais faire, mais donne-moi 10 minutes, je vais le trouver. Ça veut dire, donne-moi 10 minutes pour que je parle à ma source, puis que ma source m'envoie un embryon de mouvement, un embryon de mise en vibration, puis on va aller en quelque part. La personne va dire, on s'en va où? Je ne sais pas encore. Mais viens-t'en, on embarque dans l'auto, là, on va aller en quelque part. Ah ouais, mais on s'en va où? Je ne sais pas. Fais confiance à ce qui me parle. Es-tu malade? Qu'est-ce qui te parle? Il s'appelle comment? Il reste où? Fais-moi confiance. La personne t'a fait confiance, puis au bout de 2 heures, 1 heure, on a trouvé l'état qu'il fallait pour que tu puisses trouver une solution. L'état. L'état, juste l'état. Faut pas que tu saches qu'est-ce qui va se faire. Faut que tu saches dans quel état que t'es pour pouvoir trouver une solution. Puis là, la personne s'habitue à vivre dans le vide, à avoir des solutions juste à partir de sa propre perception de l'état, donc en finale, c'est de la vibration. Et puis là, on partage une vibration. Tu sais, puis, comment tu te sens, là? Je sais pas, j'ai rien de réglé, j'ai pas payé mes comptes, tarara, mais maudit, je me sens bien. Je me sens libéré d'un fardeau. Puis en étant libéré du fardeau, mentalement, donc elle arrête de penser à son problème, le problème commence à se régler, parce que, hey, si on essayait de faire ça, si on faisait ça, tarara, puis là, ça donne que c'est ça qu'il fallait faire, puis que ça fait le règlement, donc la solution est appliquée. C'est dur vivre de même, hein? Mais c'est comme ça que je vis tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, elle sait, parce que j'ai été l'aider à faire des reloads mortels. Et puis, je vous ai dit, quand on défaisait ta balle, là, il n'y a pas grand monde hein, qui t'a aidé, cette shot-là, là. Puis moi, j'ai été par en dedans, ils ont dit, c'est correct, tu peux le faire. Puis je me suis mis le nez avec la drill, ça, une balle complète, là. Tu drilles la partie du primer, là. Tu as une petite idée de ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la balle part, elle part en quelque part, hein, puis tu peux faire partie de la cible. OK, c'est ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que moi, les forces me disent, OK, c'est correct. Là, OK, c'est correct, ça veut dire, fais-les, je prends la drill, puis je drille, Chris, puis mets de l'huile, ça va de soi, là, pour pas que ça chauffe trop. Puis bon, on règle le problème. Tout relax, tout calme, comme si on se faisait une petite tartine au beurre de peanut. C'est là, tu sais, simple de même. Mais pour la personne qui n'est pas sur le contact, c'est stressant. Elle cherche une autre pièce pour aller s'en aller, pour ne pas être là si tu meurs. Tu sais, mais pour le gars qui est sur le contact, c'est relax parce que le contact a dit « c'est correct ». Si tu vis avec le « c'est correct », puis vivre avec la mémoire d'une balle qui part n'importe où dans la pièce, c'est un autre paire de manches. Parce qu'il y a l'imaginaire qui vient se mêler de ça. L'imaginaire, c'est la mémoire ou la non-mémoire ou la probabilité que telle chose se passe. Et puis, c'est là que t'es dans l'influence de la mémoire puis que l'astral a du jeu pour te manipuler le coco. Ils ont de la place pour rentrer puis t'engendrer une peur, un mal-être puis ces choses-là, que la personne qui est sur le contact n'a pas. Vous voyez tout le genre de vie, quelle différence ça fait? C'est hallucinant. Hein? Vous pouvez, ça c'est le plus drôle de l'histoire, vous pouvez identifier quelqu'un qui a les solutions et qui, à cause de son état mental, n'est pas capable d'être la solution. Mais vous l'avez identifié comme solution. Fait que, je sais pas, moi, une journée que les forces... argèle une douille dans une daille, et puis ça donne que journée-là, les fosses, ils disent non, c'est pas bon à soir. Ben là, j'ai dit ça. J'ai dit c'est pas bon à soir. Puis pour elle, c'est pas bon à soir, ça veut dire il va se tuer. Puis s'il se tue lui, moi, je vais me tuer si je le fais. Puis n'importe qui va l'essayer va recevoir une balle dans le corps. Ça, c'est l'imaginaire d'une chose. Puis là, 2 jours après, je la rappelle, les fosses me disent c'est correct aujourd'hui. Fait que tout son imaginaire va l'avoir fait souffrir parce qu'elle n'a pas le contact. Tu vois ça, gang? Tu vois-tu pourquoi tu bloques à parler? C'est là-dedans, c'est dans toute l'affaire de la conséquence, puis toute l'astralisation qui va dans le geste. Mais tu n'as pas trop de problèmes à la perception parce qu'il n'y a pas de conséquences dans la lecture, tant que ce n'est pas en action. Fait qu'une personne qui a une bonne lecture psychique, peut ne pas être capable de s'exécuter parce qu'elle est astralisée dans sa zone d'expression, parce qu'elle anticipe quelque chose qui n'est pas avec l'information. La force, moi, que j'ai, c'est de pouvoir percevoir et faire. J'ai pas juste la perception. Il y a beaucoup de gens qui ont des perceptions, mais qui n'ont pas le pouvoir de l'action, et conséquemment, ils vont se penser intelligents, ce qui n'est pas faux, parce qu'ils ont une information intelligente, puis ils sont limités à la parole. Ils vont le parler, mais ça va être des preachers. Moi, j'appelle ça des philosophes. C'est des gens qui vont raconter des affaires qui sont occultement réelles, mais qui sont absolument pas applicables parce qu'ils n'ont pas la contenance de l'acte. Vous savez? Fait que si tu es dans une situation comme celle-là, ça veut dire que l'astral a le dernier mot. Le dernier mot, ça veut dire qu'elle va être capable d'empêcher l'action d'être créative, donc elle va vous maintenir dans un rapport de souffrance ou de perception de peur qui va être normal. Les gens vont dire, ben c'est normal, tu fais ça. Ouais, mais pourquoi si je fais ça, ça serait normal que je souffre? Ben, c'est parce que quand on fait ça, c'est normal qu'on n'ait pas plus de salaire, c'est normal que les gens nous regardent comme ça. Tu sais, quelqu'un dirait, ben, t'as pas de monde dans tes salles, regarde comment t'étais habillé. Bon, OK. Mais je peux te dire aussi, j'ai pas de monde dans mes salles parce que le monde ne comprenait rien. C'est pour moi qu'il y a le problème, c'est eux autres, c'est trop tata. Tu sais, c'est bien les façons de le voir. Mais la personne, quand t'es confus, elle va te donner sa version, qui peut être réelle partiellement, mais qui n'est pas réelle absolument. Et puis là, ben, tu vas acheter ça, puis là, tu vas dire, bon, ben là, je suis mieux de plus faire de conférences, je suis mieux de plus ci, puis plus ça, puis pas. Tu comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, automatiquement, la ligne d'action que tu vas prendre est en fonction de la clarté de ta source, et la clarté de ta source, elle doit composer avec une proximité d'âme, de gens qui ont de l'âme, et qui vont donner priorité à mémoire, et qui vont chercher à t'influencer si t'es pas défini. Si tu te fais définir par un autre, Chris, quelqu'un va te bouffer ton agenda, il va dire, ben là, viens chez nous, fais ci, fais ça, puis je te paye pas parce que je t'éduque. Hey, Chris, ça n'a plus de fin, là. Hein? Mais dans la mesure que l'esprit... Est-ce que c'est l'âme qui contient l'esprit? Je l'ai expliqué au tout début. C'est l'esprit qui permet à l'âme d'être. Okay. C'est une cassette vidéo, l'âme. C'est déjà du pré-enregistré. Quelqu'un qui l'a déjà vu la cassette, donc qui a vécu une vie similaire, va pouvoir te coller à la fin. Ça, c'est comme un homme, une femme qui fait un enfant. Ces deux parties donnent une troisième, puis l'enfant qui est une troisième partie. Donc l'âme qui un film d'horreur avec un film de le film de futur. Mais je veux dire, c'est que l'âme, l'esprit qui se mêle, qui fusionne avec la mémoire, va donner la création de l'homme, Ben, va créer un autre courant. Mais c'est facile à coller à shot. L'enfant a la responsabilité d'améliorer le karma de la famille. OK? C'est ça, la game. Okay. Fait qu'un père et une mère, ils sont incomplets dans leur être en tant qu'individu. Et puis, les deux ensemble permettent d'avoir un enfant qui va perfectionner ce que les deux parents n'ont pas été capables de faire. Quand j'étudiais en finance, c'est mon gars qui est en finance, mais j'aurais eu la vie de mon gars si je n'aurais pas décidé d'être astrologue. Je lui dis à Jojo, as-tu le goût d'être astrologue? Non. Puis il est parti avec des pièces automobiles qui étaient le karma de mon père, puis tu sais, le monde de ça. Et puis, du côté de Monique, c'était des artistes. Là, il y a des escaliers du type art déco. Fait que là, il a commencé avec les pièces automobiles. Il s'est fait, comment je dirais ça, une contenance organisationnelle avec ces pièces-là. Puis après ça, quand il était plus proche de sa mère, ben il a repris contact avec les influences de la famille Saint-Jean, qui étaient plus des artistes. Puis là, il s'est en allé dans le design. Puis ça, c'est pas lui qui a décidé ça. C'est qu'il avait commandé ça pour son bureau. Puis là, il y a une femme qui est venue pour aller chez de quoi. Il vendait des mags. Elle voulait avoir des mags pour son truck. Puis elle était designer. Quand elle a vu les escaliers, elle dit, j'aimerais savoir ça. Il dit, je peux vous en commander, si vous voulez. Puis elle, une fois qu'elle a eu les siens, elle en a commandé pour des compagnies. Puis là, il a parti sa business comme ça. C'est pas vouloir faire des escaliers. La vie l'a placé à faire ça, là. Là, aujourd'hui, c'est rendu une grosse business à l'international. Ils s'attaquent à l'Europe l'année prochaine, puis tout le kit. Donc, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que l'individu, il est dans la chaîne événementielle de ses parents, avec la responsabilité d'améliorer la compréhension de cette chaîne-là dans des applications qui sont plus actuelles, qui sont plus de son temps. Et j'avais pas ça, moi, Facebook, puis ça. Lui, il travaille qu'avec ça. Il y a des employés en Ukraine, il y a des employés d'un pays de l'Est, là. Puis, tu sais, tu vois sur son site, Bocconi, là, tout ça a tout été fait en Russie puis en Ukraine, ça, ces affaires-là, les photos, tout belle, le 3D. Il n'y a rien qui existe dans tout ce qu'il y a là, ça a tout été inventé. Lui, il inventait des affaires, il envoyait des mesures, puis il dit, fais-moi une image avec ça. Puis le gars n'a jamais vu le réel de ses photos, qui n'étaient pas des vraies photos, c'était du montage. Puis le gars, il parlait juste anglais à la limite, là, tu sais, parce que c'est du russe qu'il parlait. En tout cas, en Ukraine, c'est russe. Oui. Non, c'est ça. Ben, c'est comme français. En tout cas, tu vois, le site Bocconi, là, c'est fait. Toutes les photos qu'il y a là-dessus, c'est tout fait en Ukraine. Puis il y avait une secrétaire, c'était une Française d'Europe, en France. Donc, il envoyait sa paye, tous les fins de semaine. C'est rendu de même, le business. Il y en a un qui est là, dans tel pays, puis ils travaillent ensemble, puis ils ne sont jamais vus. Il n'a jamais vu sa secrétaire de sa vie. Il dit, elle a une belle voix. T'as assez. Puis elle a une bonne diction. Okay, tu sais, fait que. Lui, Jojo, il travaille bien fort sur l'image d'un poisson. Ce qui, hein. Ce qui est beau, c'est bon. Ce qui est beau est bon, ouais. Ça, c'est taureau, ça. Mais c'est ça pour dire quoi? C'est que une personne peut s'entourer d'influence, et c'est le principe même fondamental de la richesse. L'influence astrale dans votre vie, c'est toujours quelque chose qui est raccordé à une mémoire. N'oubliez jamais ça. Tout ce qui est relié à l'esprit, c'est de la créativité. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui va exister parce que les autres te disent quoi faire. Je ne savais pas que j'avais à dire cette conférence-là. Ils me l'ont fait parler. En le parlant, je me suis servi de mots qui appartenaient à ma mémoire. Je ne voulais pas parler en allemand, je voulais parler en français. J'ai pris des exemples qui étaient passés pour vous expliquer comment est-ce que l'esprit travaille, donner des exemples. Mais c'est l'esprit qui a mené le show tout au long. Donc, j'avais des influences astrales en rappelant des éléments de ma mémoire, mais les forces s'en sont servies pour expliquer les principes. Alors que les gens qui se racontent ne sont pas capables de faire sortir un principe de ce qu'ils parlent. C'est ce qui rend les conversations lourdes et sans échange. Mais si chaque personne qui parlait était capable de sortir un principe de ce qu'il parle, automatiquement la relation serait intéressante pour tout le monde. Parce que tout le monde pourrait partager en esprit le rapport d'information qui est ramené de la mémoire. Puis la mémoire ne serait pas lourde. Mais comme tu te racontes, mais c'est de la mémoire qui devient totalement statique. Puis l'autre, c'est comme il se dit, « Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'elle me parle? » Puis dès que dans ta tête, tu commences à te poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'elle me parle? Il y a un rejet qui s'installe. Parce que l'esprit, lui, cherche un mouvement. Tandis que se raconter, ça installe une inertie. Et pour hériter une personne qui est dans une sorte de racontage, il faut que tu y expliques psychiquement les principes de ce qu'elle parle pour relancer les conversations. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, j'ai de l'énergie là, pour monter la vibration, mais si vous êtes trop social, vous allez me casser, puis là, je vais vous laisser dans le social. Parce que ça prend une attention pour sortir quelqu'un de son inertie, donc de son racontage, et ensuite l'intéresser avec les autres, pas à son expérience, mais à ce qui se dégage à intégrer de l'expérience. Tu vois? Là, à partir de là, il y a de l'échange, puis là, il y a une dynamique autour de la table. Mais c'est très, très, très difficile de faire sortir quelqu'un de son inertie, parce qu'il veut qu'on soit sur son cas, mais il sait pas pourquoi qu'il veut que les autres s'en mêlent. Parce que si tu es intelligent le moindrement, tu voudrais savoir pourquoi que les autres devraient se mêler de ton cas. Comprends-tu? Elle va raconter ses problèmes de job. On s'en calisse-tu de son esti de job? T'avais juste à pas laver de plancher, calisse. Tu sais, c'est ça qui se passe dans ta tête. Mais si elle dit, ah, moi, là-dedans, j'évolue énormément. Premièrement, je fais de l'exercice, je perds du poids, ça me donne, j'ai plus de torque. T'sais, si elle rentre dans un langage de même, là, ça m'a intéressé les gens. Ils m'ont dit, bon, ben, c'est vrai que c'est difficile ce qu'elle fait, là, puis là, on va avoir une empathie vis-à-vis de la personne. Mais il n'y a personne qui est intéressé à aimer quelqu'un. Jamais elle va trouver de l'amour dans son racontage de problèmes. Jamais, jamais, jamais. Les gens ne sont pas intéressés à aimer une tâche de même. Ils veulent avoir quelque chose qui se tient debout, qui a de l'autorité, qui a de l'effort, qui est capable d'effort, puis qui... Tu veux regarder les autres comme un avantage dans ta vie, et non pas comme un bouquet de bourdons, là, tu sais, un climat de négativité. Fait que vous n'avez pas avantage à vous présenter comme un élément négatif. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui se raccorde à un projet dans ce que vous faites. Donc, à une projection qui établit que l'esprit vous accompagne là-dedans. Sans compter que les gens vont vous demander des preuves de créativité. Première preuve, c'est comme ton discours. Comment t'abordes la vie que tu vis, comment tu abordes le passé que tu as vécu ou le rapport que tu as avec les gens. C'est toujours connecté à un rapport de difficulté, de limite, puis de... Ils vont dire, si moi, je suis fort en voyage, je pense que j'ai le goût d'avoir ça dans mon char. Là. Non. Bien important, ce point-là. Question. Allez-y, on a 20 minutes de questions. Au niveau de la mémoire, y a-t-il des couches de mémoire ou une mémoire reste une mémoire? Plus une mémoire est collective, plus elle est lourde. Ah, OK. C'est le collectif qui demande lourde. Bien, le collectif, c'est parce que c'est une accumulation de mémoire. Je te dis, écoute, le gars, il est mort, traîne son cadavre, puis je m'envoie sur un champ de bataille, il y a une coupe de mille, ramasse ça. Lequel tu préfères? Même si la job n'est pas drôle, là, un cadavre, c'est assez. Quand même pesant. Surtout un mort, c'est plus pesant qu'un vivant. Oui. OK. Qu'est-ce qui fait qu'une mémoire ne peut pas... quand on dit que la mémoire est trop lourde, que l'esprit ne peut pas... Non, l'esprit ramasse tout, là. Tu vas pourrir, ils vont t'envoyer des vers, ils vont t'envoyer toutes sortes de petites coquerelles, là, qui vont te bouffer tout rond. Okay. Ton arbre, c'est quand c'est sorti du corps, là, c'est juste de la viande, là. Il y a des urubus pour s'occuper de ça. Des quoi? Des urubus. Des vautours. Des vautours. Au Québec, ils appellent ça un urubu. Ouais, tu te fais bouffer de rond. Ils ne mangent pas d'âme, eux autres. Ils mangent juste la viande. Ils sont très sélectifs. C'est bien. Moi, je vous explique la vie. Parce que les forces veulent, à travers un gars comme moi, ils veulent s'expliquer pour que vous ayez intellectuellement une nouvelle perspective de solution. OK? Fait que je deviens comme un démo dans la vitrine. Fait que si je suis capable de vivre comme eux autres font vivre les gens quand c'est intelligent, il faut que vous soyez capable de me lire comme étant un gars qui est dans un processus d'intelligence. Et non pas un processus d'acquisition de forme pour vous sécuriser sur la façon dont je fais les choses. Si la richesse des temps futurs est informelle, faut que vous sachiez que l'informel vous permet d'avoir accès à des ressources qui sont temporaires, utiles, nécessaires, mais quand même temporaires. Qu'il n'y a pas rien de statique avec l'intelligence, mais que c'est excessivement statique, l'astral, l'âme. Mais étant statique, ben, vous démontrez pas une force psychique, vous démontrez même simplement une capacité d'acquisition. Et ton chum, tant qu'il est en travail, il est en rapport avec l'esprit, mais je sais pas s'il vaut 400 millions, puis qu'il s'assied dessus, il va souffrir lui-même de ce qu'il a comme ressource qui est pas mis en action. Lui, son plaisir, c'est pas d'être propriétaire de 5 millions, c'est de faire circuler 5 millions. Tu sais, j'ai une bonne lecture de ton chum, je le perçois comme un gars qui fait bouger de la grosse matière. Et c'est là qu'il vit. Mais il s'arrête du jour au lendemain, puis c'est un gars mort. Il est mort là. Ouais, il est mort parce que la forme va l'écraser. C'est ça le point. Puisque si le gars il est réellement conscient de ce besoin de mouvement-là, ben, il a besoin de toi au niveau de la capacité de parler. Donc, tu es assuré de pas être vu simplement comme un beau morceau de viande, mais aussi comme un bon talking partner. Parce que ultimement, quand tu vieillis, qu'est-ce qui te reste, c'est la parole puis la communication pour te mettre en vibration. Donc, c'est ça. D'accord avec ça? Ça correspond-tu à quelque chose qui commence à se faire? Eh bien, ça. Question. C'est trop occulte pour vous autres, ça? Non. Non, c'est bon. Ça, c'est-tu la mémoire qui bloque nos questions? L'avenir de la question. Mais être capable de bénéficier, disons, d'un prototype de communication comme ça, puis de l'intégrer dans sa vie, c'est déjà là l'essentiel de ce qui doit être fait présentement. Oui, bien, présentement. Pour toi, oui. Pour toi, oui, parce que t'es comme... t'as beaucoup de représentations dans ta mémoire d'un homme ou d'hommes qui ont été capables de le faire. Tu sais, t'as côtoyé Bernard de Proche, fait, tu l'as vu avec son crayon barbouiller une feuille, puis partir à parler sur quelque chose que personne n'est capable de lire, puis que lui, il a barbouillé sa feuille dans le fond juste pour te faire voir que c'est pas lui qui pense, là, tu sais. C'est un trick, là. T'as en mémoire des choses comme ça, fait que c'est possible. Là où ça deviendrait impossible, c'est de dire « Ah, il y a juste lui qui est capable de le faire. » Ça, c'était le discours de Donald. Ça. Il aimait ça, dire « Ah, il y a juste lui qui est capable de le faire. Tu ferais jamais d'argent à bourse si Bernard n'en fait pas. » Tu sais, t'as toujours établi une hiérarchie. Alors que c'est pas une histoire de hiérarchie, c'est une histoire de à quoi ça sert. OK. Tu comprends ça? Des fois dans la vie, les formes sont tellement imbriquées une dans l'autre que parfois tu peux avoir l'impression que le nœud, il ne peut pas être défait. Ouais, c'est immuable. En réalité, c'est pas vrai. Mais il faut que tu saches que ce qui doit être fait est en train de se faire. Comment dire, la canalisation de l'esprit à travers tes corps se fait de toute façon, même si tu ne comprends pas. Oui, mais tu peux avoir à vivre le résultat d'une autre vie, là. Moi, je me sens pas mal de même. Moi, je me sens comme un gars qui est à veille de mourir, qui va pouvoir bénéficier d'un autre corps. C'est parce que je connais les forces. Ils délivrent pas ça dans le temps de l'ego. Ouais, mais abstraction, ça veut pas dire que c'est pas là. Là. Quand tu fais soleil puis il fait chaud, tu peux pas le nier. Là. OK, c'est ça. OK. Non, tu ne sais pas. Tu sais pas, mais tu peux avoir quand même une lecture statistique des choses. Moi, je peux coller à la chatte à bien du monde que si tu fais ça, ça va donner ça. Là. Je suis capable de faire ça, c'est que j'ai une lecture très, très profonde de l'avenir. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Je me suis pas trompé souvent, moi, dans ma vie, à coller à la chatte dans l'avenir. Tu fais ça, ça va donner ça. Là. Je me suis jamais trompé. Là. Mais ça, tu es capable d'établir qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'expérience mémorielle de la personne? Oui, pas juste mémorielle, c'est le où est-ce que les forces l'amènent là-dedans. Là. Ah. Oui, c'est facile. Facile. Mm. Parce que tu vis tout le temps dans un corps, hein? Mm. Tu vis tout le temps dans une société qui est préformatée. Fait que ça finit à un moment donné que tu comprends la game. Quand je dis à quelqu'un, là, quand tu vois du monde, là, oublie jamais que c'est des animaux, hein? Jamais, jamais, jamais. Mm. Fait que, tu sais, pas oublier ça, ça veut pas dire que fais attention, ils vont te manger. Non, non. Fais attention, ils vont te manger. Tu sais, c'est pas peut-être, là, c'est sûr. Fait que, tu vérifies ça tout le temps, puis tu dis, quand est-ce que la personne est intelligente? Ben, c'est quand elle te laisse manger, quand elle te mange. Pour que vous soyez tous les deux en vie, pour vous manger mutuellement. Ça, c'est l'histoire du couple. Un mange l'autre, il aime ça. Puis l'autre mange l'autre, il aime ça. Ils restent ensemble. Puis tant qu'il y a du stock à manger, ils se mangent. C'est simple de même. Mais c'est animal. Dans la mesure où tu composes avec la réalité, il n'y a pas de trouble. Parce qu'il faut que tu composes avec. C'est tout. C'est ça. C'est tout d'être capable d'évaluer ce que tu perds avec ce que tu gagnes. Mais tu vas toujours perdre. Mais tu vas toujours gagner. Mais le jour où tu ne gagnes pas puis tu perds juste perdre, c'est ta période, ta zone d'échéance vient de commencer. Parce que tu vas être éventuellement plus capable de... Tu sais, un chat qui mange pas, il meurt. Hein? Oh, ben, s'il ne se présente pas pour aller manger, je suis obligé d'y amener son plat, mais si j'y amène juste son plat tout le temps, puis qu'il survit, puis j'y amène son plat, c'est parce que ce chat-là, il veut pas, il est pas capable de se défendre. Chris, j'ai des petits chats, si ça grogne, ça tasse les gros. Le gros, il pèse 15-20 livres, puis l'autre, si il doit peser même pas une livre, 10 onces, puis Chris, lui, il est capable de se battre infime, puis manger. Je vois pas pourquoi l'autre, qui pèse 2, 3, 4, 5, 6 livres, il est pas capable de le faire. Il y a quelque chose qui l'habite plus, là. Il y a plus de vouloir vivre. Quand tu perds ton vouloir vivre ou le goût de vivre, appelle ça comme tu voudras. Christ est dans la merde, pas à peu près, là. Puis ça, c'est indépendamment des ressources. Je peux avoir 40 livres de viande chez nous. Moi, de la bouffe, si j'en ai, écoute, ça me coûte rien. Mais c'est toujours, c'est indépendamment de la ressource. C'est en fonction de la vibration. Comment tu vibres les choses? C'est toute la mesure. Pourquoi tu es avec quelqu'un si c'est en fonction d'une vibration, c'est pas en fonction d'un rapport strictement organisationnel ou financier ou affectif, peu importe. C'est toujours comment tu vibres les choses. Une personne vibre, puis là, l'astral elle a pas de tension. Avec l'astral, elle peut se faire astraliser puis elle perd pas sa conscience. Tu perds pas de la conscience parce que tu es astralisé. Tu perds le sens de la vie, donc t'es trop astralisé parce que t'as pas accès à ta, t'écoutes pas ta conscience, t'écoutes pas ton esprit. Si t'écoutes ton esprit, y a rien là, c'est astralisé, oublie ça. Là. Moi, je suis capable de m'astraliser à la tonne, mais faut pas que je perde ma cohérence au niveau de l'esprit. Tu sais, moi, deux bières, je n'ai assez. Trois, là, on va te faire une grosse conférence, gratis. À quatre, je vais dormir. Tu vas être obligé de me traîner dans mon char, puis attends, je me réveille aux frettes l'hiver. Tu sais, c'est comme, t'es trop. Moi, quatre, je suis pas capable. Ben, si je respecte deux, tout est correct. Fait que c'est comme l'astral, t'as une certaine dose, t'es capable d'absorber. Puis à un moment donné, ben, Christ, tu donnes pas le contrôle à l'esprit, t'es fait dans l'os. Mais tu seras pas fait plus que ça, tu vas être astralisé, tu vas vivre une expérience qui, dans laquelle il va avoir eu du plaisir et de la souffrance, puis ça va être la vie normale. La vie normale étant ce que les gens répètent, là, à l'infini, tout le temps, puis qui crée une grosse mémoire collective qui va éventuellement... t'enlever ton identité puis te mettre dans de la personnalité. Quand la personne a défend de la personnalité puis du pareil, puis ça, c'est clair qu'elle n'est pas dans son identité. C'est clair qu'elle est coupée de son esprit. C'est ça, le pire de tout dans la vie, c'est d'être coupée de son esprit. Donc, tu perds ta cohérence le moindrement que quelqu'un te rejette ou quelqu'un aime pas ta face ou ne fonctionne pas avec toi. Et la cohérence, c'est un travail qui demande d'être en participation avec des événements, donc avec des gens dans un événement, tu sais. Moi, il y a des gens avec qui j'ai vécu des événements. Je connais pas le nom, mais c'est ça. Astral, est-ce que c'est des gens qui te côtoient? La proximité astrale, c'est tout dans la vie. Les couleurs, c'est un panneau publicitaire, c'est de la publicité, c'est tout dans la vie. On est dans un monde astral, on est dans un monde de forme. OK. C'est pas du monde. Okay, c'est comme une... C'est ça. J'ai toujours dit que l'astral, c'était comme un parfum. Ça n'a pas de personnage. La jalousie, c'est astral. Un gars jaloux, c'est quelqu'un habité par l'astral. Mais c'est pas le gars jaloux qui est le problème. C'est la jalousie, le problème. Fait que la proximité astrale, c'est partout. Parce qu'on traverse des ambiances dans différentes choses. Quand t'es en auto, c'est une ambiance. Des bacs du char, t'en vas dans un hôtel, c'est une autre ambiance. Mais t'es toujours exposé à des champs astraux. Parce qu'il y a des égrégores partout. Mais c'est pas les individus autres que ce qu'ils ont à véhiculer. Mais ce qu'ils véhiculent, sont habités par. Mais c'est pas à ça, faut que tu t'attaques. Faut pas que tu t'attaques à l'individu, faut que tu t'attaques à ses pensées, à son état d'âme. Tu t'attaques à quelque chose qui est bien abstrait. Tu sais, si tu me dirais, t'haïs-tu quelqu'un? Quelqu'un, non, mais ce qui transporte, oui. Okay. Là, tu vas faire la différence comment? Ben, je vais essayer de l'emmener à voir ce qu'il fait vivre. Puis s'il voit ce qui fait vivre, ben là, je peux commencer à intervenir sur le comment tu peux te dégager de ça, parce que si tu fais vivre ça, ça veut dire que tu vis ça. Parce que pour transporter le virus, faut que tu saches que tu peux le transmettre. Que tu fais pas juste le transporter. Fait que là, faut que j'y vais se voir dans un premier temps qu'il le transmet, puis qu'après ça, qu'on s'occupe du fait qu'il l'a. Puis qu'on doit le traiter s'il veut pas tomber malade.